Chapitre 4. Mimicha voyait Zélé aller à son cours de bon cœur, s'échapper avec Goba et revenir de plus en plus tard pour sa dernière phase de sommeil de la journée. La première, elle ne la passait même plus au palais, mais à l'extérieur. Où allait-elle? Passait-elle tout ce temps au cratère vert? Que pouvait-elle avoir trouvé à faire pour être si occupée? Quelle que fût la réponse, l'humaine savait qu'elle avait totalement disparu de l'esprit de Zélé. Elle n'avait pas croisé son regard depuis des jours, et le plus triste était que la princesse ne semblait même pas le faire volontairement. Mimicha entrevoyait Zélé se faufiler dans le palais, de son pas léger et souple, habituel, rythmé d'un petit empressement nouveau et de fredonnements ininterrompus. La reine était-elle seulement au courant? Il fallait que Zélé fût parvenue à ne rien changer à ses habitudes et à ses occupations officielles dispensées via le Rézarque pour que Zeninouma ne réagît pas. Seule une baisse de travail de la part de sa fille attirait l'attention de la reine. Elle était incapable de remarquer l'évolution de l'emploi du temps physique de sa fille puisqu'elle n'était jamais au palais. Elle était constamment en déplacement au Sénat ou à d'autres sommets du comète. Quant au roi, Mimicha s'étonnait qu'il était encore en vie les quelques fois qu'elle le croisait, tellement il était discret. Le roi Idlé ne bougeait pas de ses appartements. Il ne descendait même plus à l'étage du dessous pour rendre visite à sa fille. La servante humaine savait tout cela parce que pendant 16 années eupléennes, elle ignorait à combien d'années terrestres cela correspondait, elle avait été la seule personne avec qui Zélé passait ses journées. Les jours de visite du roi ou de la reine étaient de telle rareté qu'elle se glaçait d'effroi en songeant ne pas se tromper en les comptabilisant sur ses 10 doigts. Elle avait été recrutée comme gouvernante et elle avait vu Zélé passer d'un petit bébé rond et bleu à une longue et fine jeune fille, d'un petit bout de chou curieux et avide de connaissances à une future reine sage et intelligente. Le tout sans s'en rendre compte, car elle ne l'avait pas quitté des yeux durant sa croissance. Mais quand avait-elle bien pu grandir? Cette question rongeait Mimicha, car elle n'avait rien vu passer. Ces interrogations étaient l'opposé des réactions de la reine quand elle venait rendre visite à sa fille, qui ne manquait pas de s'exclamer « Comme elle a grandi !» Et un jour, alors que la reine venait de faire son entrée dans la chambre de Zélé, cette phrase que Mimicha s'attendait à l'entendre prononcer ne sortit pas de sa bouche. Mais à la place, elle prononça les mots « Enfin, la voilà grande !» Comme si depuis tout ce temps, le seul intérêt des visites et d'avoir une enfant était de la voir grande et prête à hériter du royaume. Ce souvenir précis faisait naître une amertume en Mimicha. Elle qui avait tant aimé cet enfant et qui lui avait consacré sa vie ne serait jamais rien d'autre qu'une domestique, alors que cette alien hautaine et froide serait à jamais sa mère. Alors qu'elle était entrée dans les appartements de la princesse pour y faire du rangement, Mimicha trouva au fond d'un tiroir d'anciennes perles de rubis que Zélé avait portées quand elle était plus jeune. Elle se remémora, tout en roulant affectueusement les pierres rubicondes entre ses doigts, l'instant où elle avait enfilé les perles aux pointes du cuir d'une Zélé en pleine croissance. Princesse Zélé, vos perles de rubis ne conviennent plus à votre cuir, celui-ci a bien épaissi depuis la dernière coupe. Il va falloir les scier pour pouvoir vous les mettre. Comme toutes les 8 semaines, les semaines eupléennes comportaient 6 jours, la princesse Zélé avait son cuir taillé pour qu'elle arbore la coupe exacte que devait porter l'héritière du trône. Une coupe au carré, légèrement dégradée, plus longue sur le devant que dans la nuque, les bandes de cuir arrivant à mi-cou. Quand la tailleuse avait fini son office, Mimicha prenait le relais. Elle induisait les 2 bandes de peau morte bleu transparent d'une huile hydratante et lustrante. La servante enfilait ensuite les perles de rubis sur les 2 extrémités avant du cuir, de chaque côté de la tête. Puis, avec une même perle pour unir les 2 bouts de cuir de la nuque. Mais cette fois-ci, les perles que Zélé arborait depuis 1 an ne lui allaient plus. Elle avait grandi, son cuir avait épaissi. Princesse Zélé, il y a 1 an, voilà que je pouvais encore prétendre rivaliser avec voix en taille, mais vous m'avez définitivement retiré le mince avantage sur voix qu'elle me restait. Vous me dépassez bien d'une tête aujourd'hui. Nounou Mimicha, comment se fait-elle que tu sois si petite si tu es adulte? Mimicha mesurait 1,62 m. Ce n'était pas incroyable pour une humaine, mais elle pouvait prétendre répondre à un certain standard au regard de son espèce. Sur Upléas, les normes avaient bien changé. Un habitant était considéré comme petit s'il mesurait moins d'1,75 m, et la moyenne tournait autour d'1,83 m. En débarquant sur Upléas, il y a si longtemps que l'humaine ne saurait dire exactement le laps de temps écoulé depuis, se confondant en unités de mesure, année terrienne, année upléenne, année universelle, base décimale ou octale, de quoi passer l'envie de se soucier du temps qui passait, Mimicha avait eu l'impression d'avoir été littéralement rétrécie. Non seulement tous les êtres l'entourant étaient bien plus grands, mais la gravité inférieure à celle de la Terre lui avait apporté la sensation d'avoir perdu plusieurs kilogrammes. Dans le spatioport en orbite autour de la planète Ruby, avant de sortir de sa cabine compressée sous atmosphère terrienne, elle avait lu tout un manuel et les instructions d'un analyseur pour savoir quel respirateur ou filtre elle devait porter pour survivre sur cette nouvelle planète. Sa peau ne craignait rien du moment qu'elle s'étalait de l'écran total sur toutes les parties exposées. C'était uniquement au niveau des poumons qu'elle risquait une surcharge en oxygène. Un simple masque à passer autour du nez et de la bouche permettait de régler le problème et de déambuler dans les rues sans plus de soucis. Certaines autres espèces étaient moins chanceuses et devaient porter une combinaison sous peine de voir leur peau se carboniser dans la seconde. 2144, année upléenne. Âgée de 14 années terrestres, Mimicha avait débarqué tout droit de Calcutta, sur cette terre inconnue, avec pour seule idée d'y vivre pour de bon. Elle était trop jeune et déboussolée pour juger l'endroit et se faire une opinion. Ses parents lui avaient dit d'aller jusque-là, et elle s'y était donc rendue. Il n'y avait pas réfléchi davantage. Elle avait suivi les instructions de ses parents à la lettre, se rendre sur Upléas, ensuite louer une chambre d'hôtel d'une petite ville pas trop éloignée de la capitale pour avoir une adresse et payer un loyer réduit, ensuite s'inscrire au bureau de recherche d'emploi des immigrants. Elle n'eut pas à attendre un jour dans sa chambre d'hôtel pour être contactée en visioconférence par un conseiller pour une éventuelle place de nourrice. Ses références terrestres, invérifiables, indiquaient qu'elle avait déjà effectué de la garde d'enfants et quelques lettres de recommandation, rédigées en hindi et traduites en universel par ses soins, vantaient ses mérites. Le conseiller jugea qu'elle pouvait éventuellement convenir au poste et lui donna la date et l'heure de son rendez-vous. Il avait lieu dans plus de 2 semaines. Conseiller, n'est-ce pas beaucoup éloigné, la date entretien? Après seulement 2 jours sur place et un apprentissage condensé pendant le voyage intersidéral, Mimicha ne maîtrisait pas encore l'upléen. Mais elle le comprenait parfaitement, et le parler lui donnait un mal de gorge épouvantable. Elle aurait préféré parler l'universel, mais son guide d'Upléas la mettait en garde contre la mauvaise volonté des autochtones à parler une autre langue que la leur. Postulante, j'ai encore pas mal de candidates à rencontrer, dit le conseiller. Conseiller, comme vous en parlez, on dirait casting. Postulante, il y a de cela. Si vous tenez à faire bien bonne impression, je vous conseille vivement de pratiquer votre upléen, pour qu'il soit parfait, et procurez-vous un implant, si vous en avez les moyens, indiqua le conseiller. Conseiller, soyez assuré que j'en ferai le mieux, termina Mimicha. Un implant. Sur Terre aussi, elle avait entendu parler, mais cette technologie faisait seulement son apparition. Elle n'était pas aussi répandue que dans cette partie développée de la galaxie. L'univers entier semblait dépendre de cette petite puce. Encore une fantaisie high-tech, pensait Mimicha. Elle ne comprenait pas ce désir et ce plaisir qu'avaient beaucoup d'espèces évoluées à se customiser, à se robotiser. Pour l'instant, il s'agissait de simples puces qui prenaient place dans l'organisme. Elles étaient totalement invisibles de l'extérieur et laissaient le corps dans son état naturel. Mais combien de temps cela allait-il durer avant que la mode de robotiser son corps ne soit lancée, que des cyborgs créés au nom de l'esthétique déambulent dans les rues? Un implant. Non merci, Mimicha n'en voulait pas. Elle ne voulait pas diviser son esprit pour effectuer plusieurs tâches en simultané, elle ne voulait pas consacrer son temps à vivre dans le virtuel plutôt que dans le réel, et la pensée d'un appareil greffé à son cerveau la répugnait. L'upléen était pénible, elle trouvait cette langue peu élégante et douloureuse dans son articulation qui ressemblait à un raclement de gorge, mais qu'à cela ne tint. Elle apprendrait cette langue et la maîtriserait suffisamment d'ici 2 semaines pour faire bonne impression à son entretien. Elle avait quitté la Terre avec les économies de ses parents, mais une fois cet argent terrestre converti en gombe, l'unité monétaire du Comet, il ne lui restait pas de quoi tenir longtemps sans revenu, même en vivant dans ce petit hôtel bon marché. En attendant son entretien d'embauche, elle voulut mettre toutes les chances de son côté en travaillant au maximum sa culture eupléenne, en apprenant l'histoire de la planète et en se familiarisant avec les mœurs locales. Elle se rendit tous les jours à la capitale Zélaïdo pour visiter les musées, passer du temps dans les lieux populaires et aussi pour y faire ses courses. Dans la ville de Zéminon, où elle résidait, il n'y avait pas grand-chose pour les espèces étrangères. Il s'agissait de produits convenant aux espèces les plus communes et Mimicha n'osait avaler aucune nourriture tant qu'il n'y avait pas clairement indiqué « convient aux humains ». Dans la capitale, elle finit par trouver une boutique, vendant à peu près le nécessaire à prix abordable. Mais il ne fallait pas se montrer difficile, les produits n'étaient pas variés ni très goûteux et aucun n'était importé de la terre. Vivre sur Upléas lui demandait un tel effort d'adaptation qu'elle perdait tous ses repères. L'alimentation n'était qu'un grain de sable dans le désert parmi tous les changements auxquels elle devait faire face. Un nouveau langage, une chaleur étouffante, l'absence de nuit et des journées de 36 heures. Son métabolisme était grandement perturbé, mais sa jeunesse lui permettait d'affronter ce nouveau quotidien. Il n'y avait que lorsqu'elle se couchait qu'elle ne pouvait retenir ses larmes et se permettait de s'abandonner à son chagrin. Elle n'était qu'une jeune adolescente. Elle n'avait réalisé de son existence qu'un seul voyage au sein du comète, à l'âge de 12 ans. Elle était alors accompagnée de ses parents. Tout le reste de sa vie, elle l'avait passé sur Terre, en Inde. Mimicha se rappellerait toute sa vie de sa première journée de vadrouille dans la capitale. La patronne de son hôtel lui avait prêté un guide rédigé en universel dans lequel elle avait noté son itinéraire pour optimiser ses déplacements et visites. Dès l'approche de sa navette vers les remparts qui bordaient la capitale, Mimicha comprit qu'elle ne respecterait pas son emploi du temps. Au travers de la vitre, elle pouvait admirer tous les bâtiments, car aucun n'en dissimulait un autre. Les plus petits étaient sur l'extérieur, et leur hauteur augmentait à mesure que l'on se rapprochait du centre. À peine sortie de la gare, elle rangea machinalement son bouquin dans sa poche et l'y laissa, jusqu'à son retour à l'hôtel. Lors de son arrivée au spatioport, elle n'avait eu qu'un bref aperçu de la ville, et elle avait été trop fatiguée pour prêter attention à ce qui l'entourait. Cette fois, débarquée en plein cœur de la capitale, la splendeur et la singularité des lieux lui sautaient aux yeux. Les murs lisses des grands buildings semblaient tout faits de métal, et les rayons du soleil qui les réverbéraient étaient aux couleurs de l'arc-en-ciel. Tout à l'inverse des bâtiments les plus petits, aux surfaces opaques et poreuses, couleur de nacre, rappelant les tons unis du temple qui dominait la cité depuis le centre du cratère complexe. Et ce n'était pas que les tons chatoyants des bâtiments qui l'avaient émerveillée et lui avaient fait croire qu'elle se retrouvait propulsée en plein carnaval. La population présente était incroyablement éclectique. Elle assistait à un défilé de tenues sans code vestimentaire établi. Certains étaient couverts par le tissu de leurs vêtements ou par leurs combinaisons de haut en bas, la notion de tête ou de pied ne s'appliquant pas forcément à toutes les espèces, alors que d'autres étaient totalement nus, et entre deux figuraient toutes les variantes d'habillement. Des animaux, domestiqués ou sauvages, allaient et venaient comme n'importe quel habitant. Même s'il s'agissait d'une grande ville à l'étendue limitée par le diamètre du cratère, les rues étaient larges, et elles auraient été inondées de soleil s'ils n'avaient pas été recouvertes par des vitraux qui filtraient les UV et la chaleur. Elle se laissa entraîner, sans réfléchir, dans ce tourbillon bariolé, laissant ses pas vagabonder au gré de ses envies, et un souffle de joie de vivre émanait de tous les lieux où elle se hasardait. Elle se rendit à un bureau d'office du tourisme pour récupérer une liste d'adresses où elle pourrait pratiquer son upléen. À la mi-journée, elle fit halte sur une esplanade et observa, sans connaître le nom de l'espèce, un banc d'oryx bleu qui s'ébattait dans la poussière. Mimicha, sans l'avoir provoqué, devint le centre d'intérêt de l'un d'eux, et celui-ci lui tourna autour, la scruta tout le temps qu'elle resta dans les parages. Quand elle s'éloigna, l'animal la suivit sur une certaine distance et se décida à retourner auprès de ses congénères. Elle était fascinée par ces animaux libres qui vivaient en harmonie avec la civilisation. Leur place dans la ville était aussi bien pensée que les aménagements pour les déplacements des piétons et des véhicules. Les gens les respectaient comme des citoyens ordinaires, leur cédant le passage sur le trottoir ou la chaussée et ne les dérangeant pas dans leurs occupations. Cette absence de statut d'espèce dominante ou supérieure ne lui était pas familière, mais cela l'aidait à se sentir accueillie à bras ouverts. La tolérance et la solidarité étaient si présentes qu'elle savait qu'elle ne se sentirait jamais rejetée et qu'on la laisserait tenter sa chance, que ses origines ne seraient pas un facteur discriminatoire. Mais Mimicha tarda à rentrer à l'hôtel. Elle ne s'était pas rendue compte du temps qui s'écoulait et ce n'étaient pas les habitants qui l'y auraient aidé. Les agissements de ceux-ci étaient à l'image de la fixité du soleil dans le ciel. À toute heure, certains se rendaient à leur travail, d'autres le quittaient, les musées et magasins ne fermaient jamais. La circulation avait imperturbablement la même densité. Pendant 9 jours, elle enchaîna les musées de la ville, se réjouissant de leur gratuité. La jeune humaine se rendit tout d'abord au plus important de tous, le musée de la reine, où elle apprit tout ce qu'il fallait savoir sur la reine en fonction. Elle y prit des notes et n'hésita pas à y retourner. Elle enchaîna avec le musée des reines, retraçant le glorieux règne de chacune des prédécesseuses, et elle ne put se rendre au musée de l'héritière. Celui-ci était en pleine rénovation. La reine Zenouma avait donné naissance à une enfant 2 ans auparavant, et le musée ne disposait pas encore d'assez d'informations pour être rempli. Après ses visites, elle terminait sa journée en allant dans des bars pour discuter. N'ayant pas les ressources nécessaires pour se payer des cours d'apprentissage, elle s'était aperçue que se rendre dans les bars était tout aussi efficace pour pratiquer son uppléen, car elle liait facilement conversation, et que les gens étaient curieux d'en savoir plus sur son espèce dont ils n'avaient jamais, ou presque, entendu parler. Elle fit des progrès remarquables, autant en uppléen qu'en universel. De plus, elle était traitée comme une adulte, ses interlocuteurs ignorant à quoi devait ressembler un humain jeune ou âgé. Ce fut à elle de décider dans quel créneau horaire elle voulait vivre. Au bout de ses 2 semaines de temps libre, Mimicha n'était pas encore habituée aux 36 heures qui composaient une journée, mais elle sentait que son corps l'acceptait un peu mieux qu'à son débarquement. Elle espérait que l'employeur qu'elle trouverait lui laisserait la liberté de fixer ses propres horaires. Ses finances étaient presque à sec quand le jour de son entretien vint. Même si la patronne de son hôtel lui avait laissé entendre qu'elle pourrait lui faire crédit, Mimicha n'aimait pas l'idée d'avoir des dettes. Et elle croisait les doigts pour que cet entretien fût concluant. Sur la carte que lui avait donnée le conseiller, Mimicha n'avait prêté attention qu'à la date et à l'horaire, pas au lieu. Ce ne fut que le jour même de l'entretien qu'elle se rendit compte que l'adresse indiquée était celle de l'agence de recherche d'emploi. Elle trouva cela plutôt étonnant, mais comme elle ne disposait d'aucune adresse complémentaire, elle n'avait autre choix que de s'y rendre. Une file d'attente sortait du cabinet et de nombreuses femelles faisaient la queue. Beaucoup d'espèces étaient là. Pourtant, pas une seule représentante de l'espèce suppléenne ne faisait acte de présence. Mimicha remarqua également qu'elle était la seule humaine, mais cette observation ne l'étonna pas. La file d'attente l'amena au bureau d'accueil, où elle confirma sa venue, après quoi on lui remit un numéro et on l'invita à ressortir et à attendre de nouveau. Mimicha ne pouvait identifier toutes les espèces présentes et aucune d'entre elles ne semblait parler ni l'uppléen ni l'universel. Peut-être était-ce uniquement parce qu'elles étaient entre congénères et qu'il était plus commode de parler sa langue natale. Mimicha s'arrêta dans ses réflexions quand une navette vint, se stationner devant l'agence et qu'une conseillère en sortit pour inviter toutes les candidates à prendre place à l'intérieur au fur et à mesure que leur numéro était cité. L'organisation de cet entretien déboussolait Mimicha. Après tout, peut-être que c'était le déroulement normal d'un entretien uppléen. C'était sa première expérience de procédure d'embauche extraterrestre. Elle n'avait pas matière à comparaison. Quand elle aperçut vers quoi la navette faisait route, elle eut la certitude que ce n'était pas un entretien ordinaire. Ils avaient quitté la capitale, franchi les remparts du cratère qui maintenait la ville à l'abri de l'invasion du sable, et une immense bâtisse se dressait hors de l'étendue désertique qui s'étalait à perte de vue tout autour de la navette. Le palais royal. C'était cela leur destination. Imposant, il occupait l'espace dans toute sa majesté. Ses hautes tours, aux parois lisses, et ses longues enceintes de cuivre renvoyaient la lumière aveuglante du soleil rayasse. Seules les corniches étaient décorées de frises. Les vitraux de rubis, qui garnissaient les fenêtres, donnaient un aspect réel à cette vision déformée par la chaleur au ras du sol. Les gardes en haut des enceintes paraissait être là plus dans un souci de décoration et de folklore que pour vraiment assurer la protection du palais et de ses occupants. Leurs armes, des haches gigantesques, perchées au sommet d'infinies manches de curinéali, étaient incrustées de rubis et de quelques autres pierres précieuses dans les tons rouges. On était en mesure de déterminer le grade du garde selon le degré de rubis garnissant sa hache. Le portail noir, dans lequel étaient gravées les silhouettes de Bolbolco, était en trompe-l'œil. Il n'y avait pas de portail. La navette passa au travers. Ils étaient entrés par la façade principale, la façade ouest, et alors que Mimicha avait pu constater au fur et à mesure qu'il se rapprochait que le palais s'étalait sur des kilomètres. De l'intérieur de la cour, Mimicha fut plus à même de constater la richesse des ornements et le soin subtil apporté à l'architecture, ainsi que l'harmonie générale se dégageant du tout. Le palais circulaire se tenait au centre exact de la cour, entièrement carrelé de marbre, stérile de végétation. Des statues de taille moyenne étaient disposées ici et là, la plupart mettant en scène des Bolbolco aux yeux rubicons. Du toit de la tour centrale coulait une cascade d'eau. La chute prenait sa source au sommet du toit, d'où elle jaillissait, et un circuit conduisait l'eau de chaque côté de la tour pour qu'elle orne tous les bâtiments en ruisselant tout autour d'eux, dans un tuyau si transparent que Mimicha pensa d'abord que l'eau flottait simplement dans les airs. Plutôt qu'une rigole, des tuyaux fermés avaient été choisis pour éviter une trop importante évaporation. Le seul endroit où l'eau était à l'air libre était sa source, et du geyser se dégageait une forte vapeur. En été, le soleil de plomb de la planète Pléas était impitoyable et aspirait à lui tous les corps liquides non protégés. Après une balade autour du palais, l'eau circulait entre les allées de la cour et terminait sa course dans un égout, qui la ramenait sûrement au sommet du toit du donjon pour qu'elle recommençât son circuit. La navette se gara à l'entrée sud du palais. La conseillère descendit en premier et régla quelques détails administratifs avec la garde venue à sa rencontre. De l'extérieur, elle fit signe au candidat de sortir et de la suivre. Un bref instant, elle put apercevoir la richesse du couloir de l'entrée sud, réputée pour être la moins éminente. Mais à quelques mètres de la porte, elle durent emprunter un escalier qui descendait dans le sous-sol. La chaleur étouffante de l'extérieur se dissipa rapidement et céda la place à une douce fraîcheur qui fut appréciée par la plupart des candidates, à en juger par le soupir d'aise collectif qui se dégagea à l'instant précis où la variation de température fut notable. Les murs du long escalier en colimaçon qu'elle descendait rappelaient à Mimicha ceux des vieux donjons terrestres. De grosses pierres érodées par le temps, des joints s'effritant, il ne manquait plus que de l'humidité et des lichens dans les aspérités. Elle avait beaucoup de mal à croire qu'elle se trouvait dans le bâtiment qu'elle venait d'admirer de dehors moins de 5 minutes auparavant. « Tout dans les brouffes, les apparences, » se demanda-t-elle. La réponse vint aussitôt. Le cortège de candidates venait de descendre la dernière marche, usée et glissante, et la salle d'attente sur laquelle l'escalier débouchait ternissait la somptuosité du corridor de l'entrée sud. Se trouvant dans le sous-sol, la pièce ne comprenait pas de fenêtre, à proprement parler, puisqu'une ouverture sur l'extérieur était impossible. Cependant, les murs de la pièce arboraient des vitraux entourés de rideaux, et de l'autre côté, des vitres étaient projetés des hologrammes qui simulaient une vue sur un paysage idyllique. Toute la décoration se tenait dans les mêmes teintes cuivrées ou rouges rubis. Peu de meubles et des sculptures de Bolbolco taillées dans le marbre garnissaient l'ensemble. « Encore les animaux !» s'exclama intérieurement Mimicha. Le nombre de chaises présentes correspondait au nombre précis de candidates. Ne tenant pas en place, Mimicha se leva de sa chaise et s'approcha d'une sculpture. « Des dinosaures » soupira-t-elle. Si les Bolbolco devaient être comparés à quelque animal terrestre, ce serait sans nul doute un dinosaure. Ils avaient une peau de reptile épaisse, ils étaient perchés sur 4 hautes jambes à doigts de caméléon, ils avaient un long cou, et leur corps se terminait sur une queue fouettant l'air. Un certain rapprochement avec un iguanodon était possible. Plusieurs traits prouvaient également qu'il ne s'agissait pas de dinosaures. Une crête de peau transparente jaune partait du sommet de leur crâne jusqu'à leur garrot, une autre allait de la gorge jusqu'au poitrail, et une troisième fermait la cavité au milieu de leur longue queue, à l'intérieur de laquelle ils stockaient de l'eau. Ils ne possédaient pas de dents, leurs lèvres fermes et l'acidité de leur salive leur permettaient de brûler les feuilles pour les détacher de leurs racines ou de leurs branches. Ils gobaient ainsi le tout et laissaient le soin à leur gésier rempli de cailloux d'effectuer le broyage. Ils étaient aussi beaucoup moins grands qu'un iguanodon. Leur taille maximale au garrot n'excédait pas 1,70 m et ça aurait été se trouver en présence d'un beau spécimen. Ils étaient utilisés comme animaux de bât et montures dans tout l'univers. Quelque temps plus tard, Mimicha découvrirait que l'adulation des Bolbolco par le peuple pléen était due à la couleur de leurs yeux. Ceux-ci les avaient rouges, comme le rubis si précieux, symbole de la reine. Ils étaient les seuls animaux de la planète à posséder des yeux rubicons. Leur capacité de changer la couleur de leur peau devait aussi aider à en faire des créatures exceptionnelles. Mimicha sursauta au son de la voix de la servante qui venait de faire son entrée. Elle était arrivée en silence et sa voix rauque du pléen jurait terriblement avec son aspect gracile. Une première postulante fut appelée et suivit la servante pour disparaître derrière la porte qui ne laissa à personne le temps de passer le moindre coup d'œil permettant d'entrevoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Une à une, les candidates au poste de garde d'enfants étaient appelées. Mimicha se demanda comment son nom pouvait bien s'écrire en upléen. Jusqu'ici, elle l'avait toujours donné à l'oral, le prononçant en hindi, sa langue natale, sans s'assurer de la bonne compréhension de son interlocuteur. Était-il écrit dans une sorte de phonétique qui permettait à quiconque de lire de manière à ce que la prononciation soit correcte? Ou s'agissait-il d'une adaptation locale qui ferait que lorsque l'on appellerait Mimicha, elle serait capable de reconnaître son propre nom? Candidate Mimicha Rabindrana, prononciation parfaite. Jamais Misha n'aurait pu hésiter après un tel appel. Cela faisait un petit bout de temps qu'elle avait fini de dévisager et de détailler chacune des statues et sculptures qui décoraient la salle d'attente. Elle avait fini par aller s'asseoir. Elle se leva et emboîta le pas à la servante. Du moins, elle tenta de la suivre du mieux qu'elle put. La servante, comme toute upléenne, était bien plus grande que Mimicha et ses longues jambes caractéristiques de son espèce n'étaient pas faites pour aider celles courtes de la terrienne. La décoration très épurée de la salle d'entretien convainquit Mimicha que la culture upléenne ou leur appréciation de l'esthétisme était contre les fioritures inutiles. Au milieu de la pièce, trônait une upléenne au regard glacial et hautain, au visage émacié, portant de longs vêtements de velours terminés par de fines franges d'or, qui tombaient en cascade sur le carrelage mêlé de cuivre et de gaz. Autour de son crâne, une fine couronne de perles de rubis reposait délicatement. Ce fut à la vision de cette subtile couronne que Mimicha comprit qui était en face d'elle, la reine Zinouma en personne. Lors de sa visite du musée de la reine, elle avait appris que le rubis était le symbole de la planète et de tout ce qui avait trait à la reine. Seule la reine et sa fille héritière pouvaient arborer la pierre précieuse sur leur tête, et cela se faisait par une couronne de perles de rubis de taille parfaitement égale, filées les unes d'après les autres, avec un petit espace. Le fil était si fin qu'il était invisible à l'œil nu, et les perles donnaient l'impression d'être en gravitation autour de la tête de la monarque. Quel était le protocole à suivre quand on se retrouvait devant la reine? N'ayant pas la moindre idée, Mimicha fit une révérence et se sentit bien ridicule. Non seulement pratiquer un tel acte lui paraissait à tous les niveaux dépassé, mais elle s'abaissait encore alors que même sur la pointe des pieds, elle n'aurait pu prétendre dépasser le menton de la personne la plus petite de la population upléenne. Elle en était persuadée. Mimicha ne sut jamais comment sa révérence fut interprétée. Pas comme une insulte, en tout cas, sinon les choses se seraient sans nul doute passées autrement. Candidate, avancez et prenez place. Une chaise, qui n'était pas là quelques secondes plus tôt, venait de se matérialiser face à Zinouma. Candidate, savez-vous pourquoi vous êtes là? Reine Zinouma, je réponds à une offre de poste de garde d'enfant. Le regard de la reine scia le temps d'une fraction de seconde quand la phrase de Mimicha parvint à ses fentes auditives. Bien que ce fût bref, l'humaine avait pu déceler cette contraction et se mordit la lèvre pour avoir commencé sa phrase en utilisant la première personne du singulier. Elle était tellement concentrée sur sa prononciation et la bonne construction de ses phrases qu'elle avait oublié une règle majeure de la politesse en upléen. On ne devait jamais parler de soi-même en premier lorsque l'on prenait la parole. Peu importait ce qu'on avait à dire, il y avait toujours le moyen de tourner les mots dans un autre sens pour arriver à un résultat équivalent et poli. Reine Zinouma, mon upléen n'est pas parfait, mais j'y travaille. Veuillez m'excuser de mon manque de politesse, j'apeuvois assurer que c'était involontaire. Candidate Mimicha, ce n'est pas votre erreur qui m'a interpellée, mais le fait que vous parliez upléen. Mimicha, qui avait baissé la tête pour cacher ses joues empourprées de confusion, releva son regard et fixa la reine d'un air interrogateur. Elle n'était pas sûre de saisir ce que la reine entendait par là. Mimicha, un bon nombre appréciable de candidates est passé avant vous, et j'ai coupé mon implant, à leur première parole pour savoir en quelle langue elles s'exprimaient. Avec mon implant, j'en aurais entendu que de l'upléen, même si elles n'en avaient pas employé le moindre mot. Vous êtes la première à parler Hupléen. Reine d'Innuma, pour ne rien vous cacher, je n'ai pas d'implant. Je ne peux faire autrement que de parler votre langue. Mimisha, si vous possédiez un implant, le mien me l'aurait signalé, inutile de mal dire. Puis-je savoir pourquoi n'en avez-vous pas? Demanda Zinouma. Reine Zinouma, les humains, mon espèce, ne sont pas les plus doués pour diviser leur esprit. Et comme j'ai presque atteint l'âge adulte, j'asserai dans l'incapacité d'utiliser cet outil de manière optimale. Je pense même qu'il serait handicapant. Le masque que je dois porter pour respirer dans notre atmosphère est suffisant, je ne veux rien infliger de plus à mon organisme. Expliqua Mimisha. Est-ce que dire que son espèce était limitée intellectuellement était une bonne chose à un entretien d'embauche? Mimisha en douta et regretta amèrement ses paroles. La reine reprit. Mimisha, ne craignez rien, j'apprécie votre sincérité. Pour tout vous dire, étant reine, je n'ai eu d'autre choix que de prendre un implant, et bien qu'il me soit utile, j'aborde ce gadget. De plus, j'attiens à ce que ma fille reçoive une éducation dénuée de technologie en partie. Je ne pense pas que l'implication permanente de la technologie dans son développement soit bénéfique. La manière dont la reine utilisait des verbes comme croire ou penser, en parlant de ses idées, ne laissait planer aucun doute, ce n'était qu'une politesse pour ne pas paraître trop prétentieuse, en affirmant simplement que la technologie aurait plus servi à dégénérer le cerveau de son enfant qu'à autre chose. Elle avait ses opinions et elle avait raison. Le ton de son discours ne donnait aucune autre envie d'argumenter contre elle. Mimisha, car c'est de ma fille dont elle s'agit. Reine d'Innuma, votre fille, le poste est donc d'être la gouvernante de la princesse ? S'étonna Mimisha. Mimisha, tout à fait. Ne voisa-t-on pas informé mieux que cela à l'agence ? S'énerva Zinouma. Reine d'Innuma, le conseiller a été très... tenta d'expliquer Mimisha. Mimisha, le conseiller ? S'étonna Zinouma. Reine d'Innuma, veuillez me pardonner, je ne saisis pas... tentait de comprendre Mimisha. Mimisha, serait-ce un mâle qui a traité le recrutement ? Interrogea Zinouma. Reine d'Innuma, c'est en tout cas à un mâle que j'ai eu affaire ? Répondit Mimisha. Mimisha, très bien. Viens, vont m'entendre. La reine marqua une pause. Elle respira profondément et finalement sa main qui s'était crispée lâcha de son impériale emprise la coudoir du trône. Mimisha, continuons. Vous n'y êtes pour rien. Elle s'agit donc de loger à plein temps au palais, d'être à la disposition de la princesse zélée en toutes circonstances. J'attiens à ce qu'elle s'épanouisse auprès de la même personne, non pas auprès de divers domestiques qui peuvent être amenés à changer tous les ans. Reine d'Innuma, me permettez-vous de vous poser une question ? Mimisha, faites. Reine d'Innuma, n'est-ce qu'une coïncidence que toutes les candidates au poste soient d'une autre espèce conifienne ? Mimisha, vous semblez être la seule à l'avoir remarqué ou à avoir l'audace de m'en parler. En effet, c'est volontaire. Reine d'Innuma, ne trouvez-vous pas qu'une nupléenne serait mieux placée pour élever votre fille, plutôt qu'une femelle d'une quelconque autre espèce non familière à vos coutumes ? Mais je suis sûre que votre choix a ses raisons réfléchies, termina Mimisha. Mimisha, en effet. La reine saisit une télécommande posée sur la petite table ronde placée à côté du trône, où elle siégeait, appuya sur une série de touches du bout de sa longue griffe rouge, et un hologramme fut projeté. Une petite extraterrestre, joyeuse, à la peau bleue luisante et aux yeux saphirs limpides, jouait avec des cubes sur un immense tapis brodé de bolbolco. L'enfant était adorable, vive et espiègle. Un large sourire fondait son visage. Mimisha ne comprit pas immédiatement pourquoi la reine lui montrait une enfant alien en train de s'amuser, puis l'idée lui vint qu'il s'agissait de là de la princesse zélée. Elle essaya de se rappeler si elle avait déjà croisé des enfants hupléens depuis qu'elle était ici. Peut-être que si elle avait été plus attentive, elle aurait remarqué que les femelles de cette planète se promenaient avec des rejetons semblant appartenir à une autre espèce. Beaucoup d'animaux sur Terre avaient des petits qui ne ressemblaient pas beaucoup aux adultes. Les Hupléens devaient répondre à cette même règle de la nature. Mimisha, comme vous pouvez le constater sur cet hologramme, la princesse zélée n'est pas exactement le stéréotype de l'enfant nifienne. Elle a une maladie de peau, pour le moment incurable, mais j'ai bon espoir qu'un jour, la médecine trouve quelque chose pour la rendre normale. Je ne tiens pas à ce qu'elle grandisse au milieu de domestiques normales qui la feront se sentir anormale. Être élevée par une être d'une autre espèce l'aidera à ne pas se sentir différente à cause de sa maladie. Reine Zenuma, votre raisonnement me semble un peu plus juste. Mimicha, bien sûr. Les informations sur votre espèce humaine sont difficiles à trouver sur le Rezark. Vous n'êtes pas très répandue dans le comète, fit remarquer Zeninouma. Reine Zeninouma, Upléas est une planète excentrée, si j'ai pu me permettre, mais ce n'est rien comparé à la Terre, ma planète. Nous sommes déjà très isolés et sous-développés. Nous ne faisons pas partie du marché intersidéral, nous commençons seulement à réaliser des échanges. Mimicha, pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? Reine Zeninouma, plusieurs événements familiaux et politiques m'ont poussé à quitter la Terre. Je ne vais pas vous faire perdre du temps à vous parler de mes aventures. Mimicha, si vous devez travailler au palais, j'avais absolument tout savoir de vous. Mimicha ne fut pas étonnée de la réponse de la reine, elle s'y attendait, mais avait espéré qu'elle n'insisterait pas. Vivre dans un monde aussi dépaysant l'avait aidé à tenir le coup, à ne pas s'apitoyer sur son sort. Elle était assez forte pour ne plus être triste. Et lors de ses conversations avec des étrangers, quand elle avait été amenée à parler de la Terre, elle n'avait jamais abordé le sujet douloureux de la raison de son départ. Pour répondre, elle alla puiser toute la maturité dont ses 14 ans lui permettaient de faire preuve, au lieu de fondre en larmes et de laisser parler la fillette qui l'habitait encore. Reine Zeninouma, mes parents étudiaient les planètes isolées dans l'univers, c'est ainsi que j'ai eu vent du Pléas. Mimicha, vos parents étudiaient. Dois-je comprendre que vielles sont mortes? Reine Zeninouma, vous avez parfaitement compris. Mimicha fit de son mieux pour contenir ses émotions en évoquant la perte de ses parents. Il devait être mort depuis un peu plus d'une année terrestre maintenant. Mais affronter la vie ainsi seule, fuir sa planète alors que l'on n'a jamais affronté le monde, cela était une épreuve un peu rude pour une adolescente. Mimicha, ce poste demande une présence constante au palais, soyez-en bien consciente. Elle vous sera impossible de vous absenter pour retourner sur votre planète. Elle est bien trop éloignée. Reine Zeninouma, toute ma famille est morte maintenant. Je suis consciente de ce qu'exige le poste et soyez assurée que ça ne me pose aucun problème. L'entretien prit une tournure plus officielle après ces quelques échanges personnels. La reine Zeninouma éplucha une à une les références terrestres de Mimicha et demanda une présentation précise de chacune d'elles. Ces questions étaient parfois impertinentes, voire osées, sans que la reine ne parût aucunement gênée de les poser, et Mimicha sut que, sous réserve d'être engagée, elle avait affaire à la patronne la plus stricte qu'elle eût connue. Sans connaître qu'il serait impossible de lui cacher la moindre erreur ou le plus petit secret sur tout ce que Mimicha omettait de dire volontairement ou involontairement, la reine la questionnait à l'instant, comme si elle était mieux informée que la concernée. Il y avait vraiment quelque chose d'effrayant en elle. Mais elle était aussi évident que la reine était droite et sincère. Tant qu'elle obéirait aux ordres et qu'elle serait à peu près sur la même longueur d'onde, comme ce jour-là, tout devrait bien se passer. Et si Mimicha avait bien compris, elle ne verrait jamais la reine d'une fois gouvernante, ou presque. Elle s'occuperait de Zélée, et n'étant pas implantée, elle ne pourrait pas être contactée inopinément par celle-ci. Et si jamais les choses s'engageaient dans une direction qui ne lui convenait pas, Mimicha démissionnerait. Ce n'était pas plus compliqué que cela, et au fond, elle avait tellement peu de chances d'obtenir ce travail qu'elle se demandait même pourquoi elle réfléchissait tant. Mimicha, bien sûr, vous ne pourrez quitter votre poste que si la princesse vous en donne congé. Mimicha en resta simplement bouche bée et fut conduite dans la salle suivante, où toutes les candidates ayant déjà auditionné se trouvaient, pour attendre le reste de la journée, que les entretiens aient tous été effectués. Serait-elle prisonnière du palais toute sa vie si la princesse ne se lassait jamais d'elle? La fillette avait beau avoir l'air adorable sur l'hologramme, elle aurait très bien pu se révéler être une véritable peste dans la réalité. Et Mimicha n'avait pas la moindre idée de comment se comportaient les enfants nifiens. Tant de candidates présentes, tant d'espèces plus connues et répandues, aucune chance d'être sélectionnée, vraiment aucune. Un deuxième entretien fut organisé, seules 8 candidates étaient rappelées devant la reine, et Mimicha en faisait partie. Quand la conseillère, nouvellement en charge du recrutement, avait appelé Mimicha pour lui annoncer qu'elle avait été retenue, elle avait insisté pour dire qu'il s'agissait à n'en pas douter d'une erreur. « Candidate Mimicha, vous êtes la seule terrienne de la liste, je ne peux faire erreur. Vous êtes invitée à vous présenter à l'agence dès demain, félicitations. » Soumise, Mimicha s'était rendue sur place, comme 2 jours plus tôt, et avait été conduite au palais royal, dans la même navette que la dernière fois. Seulement cette fois-ci, quand le palais apparut en ondulant au-dessus du sable, elle sentit les battements de son cœur s'accélérer, et en posant la main sur la vitre, elle prit conscience que celle-ci tremblait. Et après avoir pris connaissance de ces 2 signes de stress, l'humaine sentit que rien en elle n'allait bien. Elle se sentait malade, prête à vomir. Un tract fou la submergeait. Recroquevillée sur son siège, elle resta isolée des autres candidates le dernier kilomètre et se rongea les ongles avec une telle vivacité qu'on eût pu se demander si c'était d'anxiété ou de faim qu'elle les dévorait. Reine d'Innuma, votre décision de vouloir vous entretenir avec moi une seconde fois me touche infiniment et me surprend beaucoup à la fois. Je ne pensais pas être qualifiée. Mimicha, voici ma fille, la princesse Zélée. La reine avait coupé Mimicha dans sa phrase, peu désireuse de l'entendre se confondre en explications qui trahissaient uniquement le peu d'assurance que cette jeune fille plaçait en son avenir. Une porte dissimulée en trompe-l'œil s'ouvrit sur la gauche du trône, et la petite princesse Zélée fut conduite jusqu'à sa mère par une servante. La fillette était souriante, et avançait du même pas peu assuré de n'importe quel enfant. Elle lâcha la main de la servante quand elle aperçut sa mère, et accourut vers elle pour se jeter dans ses jupes. La reine souleva sa fille et l'assit sur ses genoux. « Fille Zélée, voici Mimicha. Que penses-tu, Advel ?» Zélée sauta par terre et tira Mimicha par le bras pour qu'elle s'accroupisse. Étant donné son comportement, Mimicha pensa qu'elle devait être vraiment jeune. Mais d'après sa taille, elle aurait pu avoir 6 ans s'il s'était agi de lui-même. À hauteur de ses yeux, Zélée fixa Mimicha. La première rencontre entre les yeux ronds noisettes de la terrienne et ce triangulaire saphir de l'upléenne. Tout en la scrutant du regard, la princesse balada ses longues mains aux griffes rouges et pointues sur le visage de la candidate, sans que cette dernière ne craignît recevoir la moindre écorchure sur ses joues. La fillette semblait fredonner, siffler une mélodie pendant son inspection minutieuse. Ses mains glissèrent dans les longs cheveux de Mimicha, qu'elle n'avait pas tressés ce jour-là. Et à ce contact, quand les cheveux s'écartèrent pour laisser passer les doigts de Zélée et que ceux-ci les caressèrent, elle se mit à rire de plaisir et d'émerveillement. « Fille Zélée, qu'y a-t-elle ? » demanda Zenyuma. « Maman Zéma, son cuir, il est drôle !» s'esclaffa Zélée. « Princesse Zélée, cela s'appelle des poils. Les humains n'ont pas de cuir, » expliqua Mimicha. Le terme « cheveux » n'existait pas en Upléen, au même titre que « crin » ou « fourrure ». Le mot « poil » était le seul mot approchant. Aucune espèce nucléaire n'avait de pelage, il était normal que la langue n'en fît pas grand cas. Sans avoir l'air de prêter attention à ce que Mimicha venait de lui dire, Zélée continua à jouer avec ses cheveux en riant aux éclats. La reine se leva de son trône et sortit par la porte du fond de la pièce, là où Mimicha avait été conduite après son entretien, là où se trouvait sa conseillère. Mimicha aurait voulu suivre Zeninuma, lui parler, mais elle était bloquée au sol par cette gamine qui ne cessait de passer et repasser ses mains dans ses cheveux bruns. « Mimicha, vois vivre à l'hôtel, selon ce que m'a dit la conseillère, » demanda Zenyuma. « Reine Zenyuma, c'est exact, » répondit Mimicha. « Mimicha, très bien, dans ce cas, vous ne voyez aucun inconvénient à ne pas repartir. Vous êtes embauchée. »« Reine Zenyuma, mais ce... »« Mimicha, vous pouvez raccompagner la princesse dans ses appartements, j'ai du travail qui m'attend. » Votre opération chirurgicale est fixée pour demain. Reine d'Innuma, mon opération chirurgicale ? S'inquiéta Mimicha. Mimicha, l'opération de vos poumons, bien sûr. Vous n'allez pas rester au palais en portant ce masque sur votre figure. Une opération appropriée vous libérera de ce fardeau. Vous serez bien plus à l'aise. Je vous laisse maintenant. De ronds de flanc. C'était donc cela l'expression que sa mère utilisait tout le temps et que Mimicha n'avait jamais comprise. Elle était restée comme 2 ronds de flanc, devant la reine, qui s'éloignait. Elle n'avait pas essayé de sortir, mais elle était certaine que si elle avait tenté quoi que ce fût, on l'aurait forcée à rester. Elle était prisonnière de ce palais, esclave de cette petite princesse amoureuse de ses cheveux. Fantastique. Les Homo sapiens sapiens étant si peu connus dans cette partie de la galaxie, la jeune fille s'était imaginée servir de cobaye à une savante folle. Elle fut surprise en découvrant que la personne chargée de l'opérer n'était pas une nifienne, mais qu'en plus cette dernière avait déjà eu affaire à son espèce. L'opération s'était bien déroulée, tout comme sa convalescence. Mimicha pouvait respirer comme si elle se trouvait sur Terre. La légère différence dans la composition de l'atmosphère ne gênait plus sa respiration et ne risquait pas de nuire à sa santé. Bien que, en définitive, l'opération lui simplifiât la vie et qu'elle n'eût pas à débourser la moindre somme d'argent, une rancœur profonde l'habitait. Elle avait tout bonnement été opérée de force. Elle ne s'était toutefois pas débattue dans la clinique. Des modifications avaient été apportées à son organisme sans son accord. Le peuple upéen était ouvert à tous les médias, avait accès aux technologies de dernier cri, était libre. Pourtant, Mimicha voyait la reine comme une despote. La reine Zinyuma semblait prendre toutes les décisions qui l'arrangeaient et les faisait exécuter. Mimicha savait qu'il s'agissait d'une planète gouvernée par une monarchie, mais si cette reine ne laissait même pas s'exprimer une employée sur son envie de subir une opération ou non, qu'en était-il pour le traitement des questions les plus graves avec ses conseillères et ministres? Et si elle devait être gardée sur cette planète, jusqu'à ce que la princesse décida de son départ, Mimicha pensa qu'elle ferait mieux de continuer à apprendre le plus possible sur ce peuple, sa culture, son histoire et le fonctionnement de son système politique et économique. D'ailleurs, comment aurait-elle accès à l'information dans le palais? Lui était-il permis d'aller partout? Ou son secteur restait-il restreint à celui de la princesse Zé? Elle dédramatisa la situation en se disant que si jamais elle désirait être renvoyée, elle n'aurait qu'à se raser le crâne. 2146, année upléenne. Nunumisha, quel âge as-tu? Princesse Zélée, 15 ans et 2 mois en unité terrestre, j'accrois. Je n'ai jamais fait la conversion de mon âge en année upléenne. Voix ne pouvait pas voir rendre compte. Nunumisha, c'est vieux ou tu es encore jeune? Princesse Zélée, pour tout voix dire, je ne suis même pas majeure sur Terre. Nunumisha, alors tu as désobéi à tes parents? Princesse Zélée, non, ce sont eux qui m'ont demandé de venir ici. Nunumisha, pourquoi? Princesse Zélée, pour que ma vie ne soit faite que du grand plaisir de servir la princesse du Pléas. Il y avait les mots imposés par le protocole qui consistait à toujours encourager l'héritière, et les mots qui y venaient du cœur. Mimicha parlait uniquement avec ceux du cœur, et Zélée le savait bien. Elle avait remarqué que sa gouvernante n'était pas comme les autres servantes. Sa sincérité crevait les yeux. Mimicha adorait cet enfant. Et donner tout l'amour qu'elle n'avait à donner à personne d'autre, à cette petite alien, qui était devenue comme sa fille ou sa petite sœur. En regardant cet enfant si gai, la terrienne ne pouvait voir les choses autrement. Comment ne pas s'attendrir devant cette fillette si pleine de vie? Mimicha avait débarqué sur Upléas, désespérée, loin de tout, séparée à jamais de sa famille, loin de la terre, où elle ne retournerait jamais. Elle était jeune, bien trop jeune pour se retrouver projetée si tôt dans la dure réalité de la vie. Mimicha avait grandi protégée par l'amour des siens, et subitement, elle s'était retrouvée isolée. Un changement brutal de style de vie était sûrement le meilleur moyen de ne pas craquer, et nul doute que devenir la gouvernante de la princesse d'une planète inconnue à l'autre bout de la galaxie était ce qui convenait le mieux. Mimicha s'était accrochée à Zélée comme à une promesse de bonheur et de vie paisible possible à nouveau. Lors de son arrivée, Mimicha avait tenté de faire attention aux jours, puis aux mois et aux années upléens passées pour convertir ce temps écoulé en temps terrestre et ne pas oublier son âge lui-même. Et puis l'envie était passée. Elle ne surveillait plus ces choses-là. Les premiers temps, elle était encore capable de dire à Zélée approximativement son âge, et finalement, peu de temps après sa majorité, elle avait perdu le compte. 2155, année upléenne. Princesse Zélée, voix grandissait si vite, j'ai l'impression que c'est demain que voix marierait. Misha, tu exagères un peu, mais j'assais que Mère Zéma y songe et fait le nécessaire. Princesse Zélée, la reine d'Inuma, voix cherche un mari. Je n'étais pas au courant. Est-ce normal que voix sachez cela? Misha, avec un implant, l'accès à tous les ragots de la presse m'est facile. À chaque fois que Mère Zéma rencontre des politiciennes et qu'ils ont un fils de mon âge, les journalistes clament que Ville sera le futur roi. Princesse Zélée, qu'en pensez-vous? Vous accepterez le mari que votre mère aura choisi pour voix? Ça ne vous gênera pas de ne pouvoir la faire? Misha, de tous les ragots colportés par les journalistes, je sais qu'ils sont tous faux. Mère Zéma ne me fera pas épouser un fils de politicienne. Velle veut que je gouverne comme Velle, seule, de mon propre chef. Le mariage d'une reine ne se fait que pour assurer la succession. Mais il y a des fortes têtes qui ne peuvent s'empêcher de rêver qu'un jour la reine aura à ses côtés un mâle capable de parler politique. Mère me choisira un époux loin de tout cela, comme Père Idlé. Princesse Zélée, ou qui sait, peut-être un cousin? Où elle sera promis? Rigola Mimicha. Misha, que racontes-tu là? S'interloqua Zélée. Princesse Zélée, ce n'était que pour plaisanter. Je sais que votre mère n'a ni sœur ni frère. J'ignore si cette pratique a existé sur Eucléas, mais sur la planète Terre, les mariages entre cousins étaient courants. Il y a bien longtemps, cela dit. Misha, à quoi peuvent servir de telles unions? À quoi cela sert-elle de se marier si c'est pour ne pas engendrer d'héritière? S'étonna Zélé. Princesse Zélé, vous elles avaient des enfants, je ne comprends pas. De quoi parlez-vous? Interrogea Mimicha. À ce point de discussion, la jeune Zélé était restée muette, et Mimicha n'avait pas insisté, voyant bien qu'un sujet peu convenant avait été abordé. Elle s'était levée et était partie chercher des perles de rubis plus grandes, qui conviendraient à la nouvelle épaisseur du cuir de la princesse. En juger par le début de la conversation, parler d'un futur époux imposé ne semblait pas déranger la princesse. Et d'un seul coup, elle s'était offusquée et avait gardé le silence avec cette évocation de mariage entre cousins. Bien décidée à comprendre ce qui s'était passé, Mimicha avait revu son histoire upléenne. Les successions de reines, les mariages effectués, la filiation des rois choisis, rien ne semblait faire le lien avec leur discussion. Ce fut une fois qu'elle eut cessé de ses enquêtes, ne sachant plus dans quelle direction chercher, que Mimicha tomba par hasard sur une revue scientifique traitant de la reproduction des espèces intelligentes des planètes membres du comète. Toute l'explication était là. Chez la race upléenne, l'inceste était biologiquement impossible. En effet, l'échange du moindre fluide entre deux partenaires de la même famille engendrait la mort du mâle. Celui-ci mourait empoisonné par la réaction chimique causée par l'échange de fluides, sang, salive ou sperme. Pendant une longue période de l'histoire upléenne, il était d'avis que l'échange de salive et de sperme étaient les deux uniques facteurs empoisonnant le mâle. Mais avec l'avancée de la médecine, on s'aperçut que l'échange de sang n'était pas possible après qu'une transfusion du sang d'une fille à son père eût été pratiquée. Mimicha comprenait maintenant la réaction de la jeune princesse. Si une princesse suppléenne épousait un membre de sa famille, celui-ci mourrait dès lors des noces, ou il devrait vivre un règne platonique, n'engendrant aucune héritière. Repensant à l'échange empoisonné de salive, la terrienne se mit à rire en imaginant une union non vérifiée entre deux jeunes suppléens et le marié, tombant comme une mouche quand le dévot avait prononcé les fameux mots « Vous pouvez embrasser la mariée ». Rien de cela n'était possible en réalité. Déjà parce que cette phrase n'était pas prononcée lors de la cérémonie du mariage, le baiser faisait partie intégrante de l'acte sexuel upléen, c'était une chose intime, jamais dans la rue on n'aurait pu voir un couple s'embrasser. Et parce que le dévot ne célébrait que le mariage des reines, les unions du peuple se faisaient en ville dans les bâtiments administratifs. Princesse Zélée, des excuses s'imposent pour mes propos de l'autre jour, j'ignorais cette partie du fonctionnement de votre espèce. Vint s'excuser Mimicha. Misha, de quoi parles-tu? Princesse Zélée, du jour où l'idée farfelue de parler de mariage consanguin m'a prise. Misha, tu es toute pardonnée et ne te tracasse pas. À vrai dire, je ne m'étais jamais posé la question pour les autres espèces. Je pensais que c'était commun à toutes et grâce à ta remarque, je me suis renseignée et j'ai découvert que les Niphiens étaient particuliers en ce leur genre. Et je peux te la dire, après tout, au point où nous en sommes. Si j'ai bien compris la conversation que j'ai surprise le mois dernier, elle se peut que la décision de Mère Zéma soit prise. Princesse Zélée, de quoi? De quelle décision parlez-vous? Misha, eh bien, à propos de l'époux qui me conviendrait. Princesse Zélée, votre mère a trouvé votre futur mari? Misha, elle semblerait. Velle m'a demandé mon avis sur la question et je ne pouvais que suivre son raisonnement. Princesse Zélée, si ce n'est pas trop de curiosité, pourriez-vous me donner le nom de l'élu? Misha, tu es quelqu'un de fiable. Et je n'ai pas de secret pour toi. Toi le sais bien. Elle s'agit de Zoku. Princesse Zélée, vous parlez du fils du comte Komko? Le garçon qui vient jouer avec vous quand son père est en visite au palais? Misha, lui-même. Mère a entièrement raison. Il est parfait. Il n'y a pas plus discret. Il parle à peine. Il obéit à tous mes ordres. Il n'a aucune envie de commander. Il a des tendances solitaires, je dirais même. Il sera comme Péridlé. Il vivra sa vie discrètement sans jamais me contredire. Et nous nous entendons déjà plutôt bien. Princesse Zélée, l'essentiel est que la décision de votre mère ne vous chagrine pas. Les mariages arrangés, les parents décidant pour leurs enfants dès le plus jeune âge avec qui ils devront s'unir, cela a toujours existé. Surtout lorsqu'il s'agit de succession de royaumes. Et dans le cas de la Terre, ces arrangements pouvaient se faire entre cousins, voire frères et sœurs. Misha, c'est ce que j'aime avec toi. Tu viens d'une civilisation tellement différente, tu m'apprends beaucoup de choses. Et je regrette qu'il n'y ait pas plus d'informations disponibles au sujet de la Terre sur le Rézarc. Alors je suis obligée de te demander encore de me dire comment est ton monde. Mimicha ne se lassait pas de parler de la Terre à Zélée. Ces récits allaient de la géographie à ses plus simples souvenirs d'enfance, en passant par la découverte des continents. De la Terre, elle n'avait apporté que trop peu de livres, et un pendentif représentant l'astre bleu, perpétuellement suspendu à son cou. Raconter encore et toujours les mêmes choses lui permettait de tout garder en mémoire. Elle avait même commencé à les écrire pour être sûre de ne jamais ou rien oublier. Elle conservait un calepin sur elle en toutes circonstances pour écrire le moindre flash qui lui revenait. Ni Zélé ni Misha ne ressentaient la différence d'espèce qui les séparait. Quand elle était toute petite, Zélé s'était bien rendu compte que Misha n'était pas une Nifienne. Elles avaient fait une liste de ce qui rapprochait et éloignait leur corps. Des dents contre une salive acide, 5 doigts dont 1 pouce contre 4 doigts dont 2 pouces, 5 orteils contre des pieds articulés qui en étaient dépourvus et qui se terminaient en pointe, 1 appendice nasal percé de 2 narines contre 3 narines sans relief, une au milieu du front et les 2 autres sous les yeux, des oreilles contre des fentes auditives. Les différences étaient nombreuses, et les points communs plus vagues, une tête, 4 membres, 2 bras, 2 jambes, 1 tronc. Zélé grandissait en présence de cette terrienne. C'était elle qui la prenait dans ses bras, qui l'embrassait, qui lui souhaitait bon sommeil en déposant un baiser sur son front. Le roi Idlé avait été présent au début. Il était sympathique mais peu causant. Quand il arrivait, Mimisha s'éclipsait pour laisser le père s'occuper de sa fille, pour que Zélé passât des instants privilégiés avec quelqu'un d'autre qu'elle, avec quelqu'un de sa véritable famille. Mimisha était profondément heureuse de si bien s'entendre avec Zélé et ne se voyait être renvoyée par la princesse à aucun moment de sa vie. Elle pensait bien qu'elle finirait ses jours au palais. Cependant, elle était désolée pour Zélé qui vivait sans jamais voir sa mère. Bien que l'héritière semblât très bien le vivre, elle parlait à la reine une fois par semaine minimum, depuis qu'elle était implantée, et comprenait parfaitement qu'elle avait une planète à gérer, des voyages à effectuer, et qu'elle ne pouvait perdre de temps à simplement être là. Mimisha était persuadée qu'il aurait été meilleur pour Zélé de sentir la présence physique de sa mère. La manière que la reine avait de voir sa fille comme une future remplaçante la blessait et l'énervait profondément. Quand Zélé était enfant, la reine communiquait avec elle via un implant, une fois par semaine, ou un peu plus, comme forcée de le faire. Puis quand Zélé fut en âge de se voir charger les premiers dossiers qui l'exerçaient petit à petit à tenir les rênes d'un gouvernement, les appels se firent plus nombreux. La princesse ne le prenait pas mal, elle obéissait soigneusement, et se donnait de la peine pour satisfaire la reine et agir comme elle l'aurait fait. C'était là une chose que Mimisha détestait voir, mais à laquelle elle devait assister impuissante. Zélé essayait d'être celle qu'elle ne saurait jamais, et Mimisha voyait bien qu'elle n'aimait pas gouverner, et la princesse ne semblait même pas s'en rendre compte. Peu importait l'éducation contrôlée que la reine avait pu essayer de faire suivre à sa fille, sa remplaçante. Elles étaient différentes l'une de l'autre, et jamais Zélé ne saurait lui donner satisfaction en étant elle-même. 2158, année Upléenne. Soudainement, en l'espace de quelques jours, voilà que le comportement de la princesse avait totalement changé. Elle était passée d'une relation de bonnes amies à celle de maîtresse et servante. Est-ce qu'elle se serait trompée? Mimisha avait l'impression de vivre dans l'ombre. À la regarder grandir, elle avait bien constaté que Zélé n'était pas Enuma. Mais le devenait-elle à agir si différemment dernièrement, maintenant que sa vie était ici, qu'elle avait vécu coupée de tout depuis tant d'années? Mimisha craignait que Zélé ne la congédiât. Elle qui ignorait quel âge elle pouvait avoir. Elle savait quel âge en année terrienne elle avait en arrivant. Depuis combien d'années Upléenne elle vivait là, mais elle ignorait quelle conversion elle devait faire. Mimisha n'était même pas sûre d'avoir envie de le faire. Elle avait l'impression d'avoir passé sa vie entière ici. La terre et ses souvenirs étaient tellement loin qu'ils formaient une vague impression de rêve dans son esprit, rien de plus, rien de réel. Tout comme les humains, elle doutait de son existence. Elle n'avait pas vu un seul congénère depuis son départ en exil. C'était comme être le dernier spécimen d'une espèce. Et pourtant, personne ne l'avait regardée trop bizarrement au palais. Elle avait été acceptée à bras ouverts. C'était ici chez elle. Upléa, c'était sa planète.